c'est moi. Par la surface, commencez. Il ne faut plus tarder. Comme quelque chose que l'on porte. Toutes ces choses que je ne te dis pas. J'ai peur que ce ne soit plus un secret quand tu me regardes. J'ai besoin de toi. Subissement archaïque. Une fois, je faillis tomber amoureux d'une chaise. Creuse. Faut que tu creuses. Je suis innocente dans la bouche. Dans la bouche. S'avancer vierge. Et laisser ressurgir ce qui peut être utile en fonction des aléas. C'est le silence qui nous garde. L'herbe est verte. Le train va à mon rythme. Lent. Il est lent. Le paysage ne se noie pas à son passage. C'est le silence qui nous garde. C'est le silence qui nous garde. Catastrophe. Catastrophe. C'est top secret. J'existe parce que je modifie le monde. Il est une heure du matin, je n'arrive pas à fermer l'œil. Dès que je veux tomber dans le sommeil, des sensations terrifiantes s'emparent de moi, serrent dans les oreilles, quelque chose par là, par palpitations cardiaques, l'impression d'être pressé, une sensation de très forte pression dans les deux mains, comme si quelque chose allait exploser. Ça m'arrive à chaque fois que je me couche dans la conscience que je suis en train de me coucher. C'est comme un frisson très profond, un frisson sous la peau, cette sensation qui me serre dedans, un frisson dans mes veines, un frisson dans mes veines, ça serre, c'est comme si tout allait exploser. Ça passe par la tête et ça se propage dans tout le corps.